un carsos, la vie t'a eu comme le quartier. Le souvenir de ton insos, une flaque de sang sur le parquet. Tes ambitions dans l'ouragan, dans la tumulte. Les frigos vides, des chromes, des dettes qui s'accumulent. T'es dans l'œil ton d'un putain de fusil à lunettes. Souvent sous pression, manque de respect à celle qui t'a vu naître. Demain sera comme hier, tu sais. T'as l'habitude, le temps passe, tu saignes, t'as la vie dure. L'argent c'est l'argent, tu t'embrouilles pour un prix. Au fil du temps, même les types te prennent pour un petit. Tu crées haut les gars, parce que t'as perdu 1000 euros en misant la victoire de Madrid sur le premier relais câble. Et tu fus en forme. Mais le temps passe et tu fumes encore. T'as juré devant la juge, évidemment t'as menti. Tout ce que t'en retiens, c'est que ta peine t'a ralenti. Les jours passent et se ressemblent ici. Les peines passent mais se ressemblent, c'est rien. Tu te dis que demain c'est loin, tes anciens potes sont des phrases sur lesquelles t'as mis des points. Les jours passent et se ressemblent ici. Les peines passent mais se ressemblent, c'est rien. Tu te dis que demain c'est loin, tes anciens potes sont des phrases sur lesquelles t'as mis des points. La vérité, tu sais plus quoi faire en vrai. Claquer des thunes sur le championnat anglais. À 14 piges, t'avais un destin de petit con. Tu fais partie de ces naufragés qui n'achent sans savoir où ils vont. Jean Balmain, petite paire de Giuseppe, poche ton zeste. Quelques cailloux te craquent sous les pieds. Je crois qu'on va retrouver ton corps bleu. Tu dois des thunes, ces derniers temps tu sors peu. Tu dors le jour, t'es perché. T'as pensé à Feta, ouais, mais t'as la flemme d'aller chercher. T'en bats les couilles de surveiller tes propos. Écris, t'es le premier à commérer sur tes poteaux. C'est plus qui t'aime qui ne t'aime plus. D'ailleurs, c'est plus tes potes. Les trois cartes calculent même plus. Les autres, c'est tous des buts. Moi j'étais si, moi j'étais ça, ouais, tu l'étais, mais ne l'es plus. Les jours passent et se ressemblent ici. Les peines passent mais se ressemblent, c'est rien. Tu te dis que demain c'est loin, tes anciens potes sont des phrases sur lesquelles t'as mis des points. Les jours passent et se ressemblent ici. Les peines passent mais se ressemblent, c'est rien. Tu te dis que demain c'est loin, tes anciens potes sont des phrases sur lesquelles t'as mis des points. Le rein t'es tu le saignes. En vérité les petits font en un jour ce que tu fais en deux semaines. Qui croit en toi, ni eux ni toi, les nuits passées devant des séries que t'as déjà vu mille fois. Cherche à savoir si je pèse, fatigué, t'as peu de batterie comme ton iPhone 6S. Façon demain tu te feras péter, fatigué de voir l'histoire se répéter. Les jours passent et se ressemblent ici. Les peines passent mais se ressemblent, c'est rien. Tu te dis que demain c'est loin, tes anciens potes sont des phrases sur lesquelles t'as mis des points. Les jours passent et se ressemblent ici. Les peines passent mais se ressemblent, c'est rien. Tu te dis que demain c'est loin, tes anciens potes sont des phrases sur lesquelles t'as mis des points.